Ce vendredi, à la vie en BD, François Bourdage et l'exposition BDQ et l'art de la bande dessinée québécoise. Une nouvelle année pour la revue Planche, Michel Giguère et un regard sur des adaptations de romans en BD et plus. Vendredi à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD, Raymond Poirier au micro, avec vous jusqu'à 18h30 comme à l'habitude, pour plonger dans l'univers du 9e art, et véritablement en première demi-heure, on aura l'occasion de plonger dans une espèce d'état des lieux actuel de la bande dessinée québécoise, autour de l'une des rares expositions qui a été offerte dans un contexte muséal autour justement de cette sphère. Alors ça a été lancé un peu plus tôt, c'est cet été, du côté du musée d'art populaire de Trois-Rivières. Et on avait envie d'en parler, évidemment. L'exposition, de toute façon, se poursuit jusqu'en janvier 2018, si je me trompe pas. Alors, on a encore du temps pour aller la voir, pour aller la découvrir. Et on avait envie de vous en parler, de vous offrir un petit survol. Alors, ce sera en compagnie de son commissaire, François Bourdage, tout à l'heure. Également, des suivis qui sont un peu incontournables du côté de la revue Planche. En fait, si vous avez eu l'occasion de voir, vous aurez l'occasion de voir le tome 8. Un nouveau format, nouveau nombre de pages, une nouvelle équipe éditoriale, une nouvelle présence du côté européen. Alors, on s'est dit que c'était peut-être un peu le temps là, de s'installer au micro et d'avoir une belle mise à jour autour de l'univers de Planche. Alors, c'est ce qu'on va faire en deuxième moitié d'émission avec sa directrice générale, Sandra Wilder. Et on parlait de présence européenne. Bon, on la rejoindra justement du côté de l'Europe où elle est présente à un festival, entre autres, évidemment, pour présenter le matériel de la revue Planche. Et on terminera l'émission avec notre collaborateur, Michel Giguère, l'animateur des rendez-vous de la BD. Il a parlé il y a quelques semaines, alors c'est vraiment un beau marathon pour lui. Au fil des derniers mois, il nous offre une pratiquement troisième édition autour de la thématique de l'adaptation vers la bande dessinée. Et ben, ça nous donnera l'opportunité de poser d'autres regards, d'autres questions, d'autres perspectives autour du travail de transposition de la prose vers la case. Alors, de manière plus détaillée, ben, c'était notre menu de cette semaine. Évidemment, comme à l'habitude, on porte un regard sur les actualités en lien avec le milieu de la bande dessinée. Et eh bien, notamment, il y a une triste nouvelle qui est arrivée, qui est sortie. C'est le décès d'un dessinateur quand même... En fait, je pense qu'il fait plus qu'une belle place au fil de sa carrière dans le milieu de la bande dessinée. Il s'agit de Ted Benoit. Ted Benoit, né en 1947, qui suit les cours du côté de l'Institut des hautes études cinématographiques, qui squatte les cinémathèques et qui se lance après 1971 vers la bande dessinée après des années comme assistant réalisateur à la télévision, alors que Actuel accueille ses premiers récits en bande dessinée, que Robert Crumb, nul autre que Crumb, devient son maître à dessiner. Après quelques années de collaboration avec la presse underground, Ted Benoit rejoint 75 l'écho des savanes, première période de sa carrière qui se concrétise et son style évidemment évolue. Évolue notamment avec le contact de Joost Zwart, le dessinateur hollandais qui vient de remettre la ligne claire RGN à l'honneur. Alors, dans les planches de Bongo Bongo qui va publier dans Metal Hurlant, mais la filiation est claire. Et là, on est à peu près en 1981. Alors, il choisit un personnage en forme de manifeste sous une forme mal dégrossie, Ray Banana, un personnage emblématique qui est déjà présent dans Vers la ligne claire. Ted Benoit s'approprie ensuite les signes de l'esthétisme d'Hergé pour se livrer un joyeux travail de distanciation. Il devient l'un des chefs de file de la nouvelle ligne claire aux côtés notamment de Flock et de Chaland. En 1980, on parle de berceuse électrique avec son physique de Clark Gable, Ray Banana qui est confronté à une secte étrange. Et tout au long de ses 80 plans, mais tête, Benoît va construire un univers hétéroclite, surréaliste, futur proche et passé qui viennent se mélanger dans une ville qui doit beaucoup à Hollywood. En 84, retour de Ray Banana avec un autre album, et on poursuit le travail de ce côté-là. Par ailleurs, en fait, outre ce travail, mentionnons que Ted Benoit fut le premier dessinateur à relever le défi presque insensé de succéder à E.P. Jacobs sur le dessin de Blake et Mortimer lorsque les éditions d'Argo ont décidé de relancer la série après avoir acheté les droits. Alors, associé à Van Am, il va publier deux albums d'une grande maîtrise, l'affaire Francis Blake en 96 et l'étrange rendez-vous en 2001. En 2004 également, il a signé le scénario de Playback pour François Ayol. Ah ben voilà, donc un grand de la bande dessinée qui nous a quitté, c'est tout récent d'ailleurs, là, je vous lisais un peu sa biographie, inspirée d'un communiqué qui a été émis d'ailleurs par les éditions d'Argo, et évidemment sur les médias sociaux, sur le web, dans les journaux, ben on parle beaucoup, on fait beaucoup de cette disparition. Alors ben voilà, donc Ted Benoit qui est décédé un peu plus tôt, tout récemment. Alors sinon, autre nouvelle, on change radicalement de ton, et puisqu'on parlait de lignes claires, tiens, faisons un lien, Tintin au pays des soviets qui revient en couleur. Alors les éditions Casterman et la société Moulinsart qui gère les droits de Hergé viennent d'annoncer la parution en janvier 2017 d'un nouvel album de Tintin, donc Tintin au pays des soviets en version colorisée. Alors s'il s'agissait, je le rappelle, la première aventure de Tintin parue en janvier 1929 jusqu'en mai 1930 dans le petit 20e, et ça avait été tiré ensuite en album noir et blanc à 10 000 exemplaires sans jamais connaître de réédition colorisée par la suite. Alors ben voilà, donc on verra évidemment qu'est-ce que ça donnera avec la colorisation. Ça arrivera en janvier prochain. Et puisqu'on parle de Tintin, un dessin représentant Tintin et le capitaine Haddock en plein baiser a fleuri au mur de la capitale belge, fait beaucoup jaser sur les médias sociaux, alors qu'on avait fêté d'ailleurs le 26 septembre dernier le 70e anniversaire du journal de Tintin et des éditions du Lombard. Le petit reporter avait fait parler de lui donc pour ce dessin à Bruxelles. Alors dessin diffusé largement sur Twitter par un internaute, repris largement ensuite par la presse belge. Vous pourrez prendre connaissance d'ailleurs du débat au fil des médias sociaux. Et dernier notule, dernier clin d'œil, on parle de Moebius. Moebius qui, au fil de l'été dernier, a littéralement séduit la Chine. Éditeur chinois Ina Books qui a racheté les droits de traduction des 10 livres de Moebius auprès des humanoïdes associés lors de la dernière foire internationale du livre de Pékin en fin août dernier. Donc Arzak, le garage hermétique, escale sur Fargonesca, la citadelle aveugle de Long Tomorrow, les vacances du Major, le bandard fou, l'homme du Sigri Chaos, chronique métallique. Donc ces 10 albums vont rejoindre le catalogue de l'éditeur chinois dès l'an prochain, après la publication de l'Incal cet automne. Alors, ce sera d'ailleurs la première fois que le travail de Moebius sera publié en Chine à une si grande échelle. Et contextualisons un peu, là, depuis 2006, Ina Book propose en fait un large éventail d'ouvrages dédiés à l'art, et c'est récemment ouvert à la bande dessinée. Donc ça, c'est depuis 2015 à peu près, la BD. Donc déjà, ils ont une trentaine de titres liés à la France principalement. Et son directeur, Wu Jingyang, dit, je cite, « Le trait unique et innovant de Moebius se montre à quel point la bande dessinée appartient à l'art. Chacune de ses illustrations sont des chefs-d'œuvre et un festin pour les yeux. » Et c'est effectivement le cas, de toute évidence. Alors voilà donc pour ces quelques clins d'œil. Maintenant, on s'en va en musique, toujours avec cette 8-bit qui nous accompagne au fil de nos émissions. Et comme à l'habitude, on écoute cette semaine la formation Lando avec leur album « Machine Men ». J'en profite également pour vous rappeler que vous pouvez suivre La Vie en BD sur Facebook. On relaie également pas mal d'actualités, d'événements liés à la bande dessinée, tant à Québec qu'ailleurs au Québec, du côté de Montréal notamment. Alors, c'est sur facebook.com/lavieenbd. Donc, très facile à trouver. Et maintenant, on va porter un regard donc sur une exposition qui est en cours au moment où on se parle et en cours pour quand même un certain temps. On a jusqu'en janvier 2018 pour aller la découvrir. C'est du côté du Musée québécois de culture populaire à Trois-Rivières. L'exposition s'appelle BDQ, l'art de la bande dessinée québécoise. Et pour nous en parler, pour nous présenter ses tenants et ses aboutissants, on est en compagnie de son commissaire, François Bourdage. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Raymond, ça va bien? Ça va très bien. Et François, en fait, d'où est venue au départ l'idée d'une exposition sur la bande dessinée québécoise? Avant tout, c'est une passion. Puis j'ai voulu aller un peu plus loin dans ma passion de pouvoir la présenter. Donc j'ai monté un certains documents. Je suis allé vraiment cogner aux portes de certains musées. Et puis celui de musée québécois de culture populaire de Trois-Rivières, on trouvait le projet vraiment intéressant. Et il faut dire, en fait, la bande dessinée, jusqu'à présent, on l'a peu vue dans les musées. En fait, je pense que c'est à peu près quoi, la quatrième grande exposition dédiée au sujet. Il y avait eu, en 76, la bande dessinée québécoise montée par Carpentier, Jongue et Sanson. En 97, les aventures de la bande dessinée québécoise ici à Québec par Mira Falardeau, côté commissariat. Et il y avait eu une exposition sur la BD à Sherbrooke pilotée par Richard Langlois. Une rétrospective de la Pastèque du côté de Montréal pour leurs 15 ans. Donc, c'est à peu près la cinquième exposition là-dessus. Et j'imagine que ça doit pas être évident dans un contexte où il y en a eu si peu de convaincre des directeurs de musées de dire, ben, embarquer, c'est un sujet qui mérite l'attention. Oui, ben, disons que le moment était propice. Il y a déjà quelques années, le musée avait eu l'intention de faire une exposition sur la bande dessinée et ça s'avait plus ou moins concrétisé. Le projet était toujours sur la table. Alors, quand je suis arrivé avec de proposer les artistes québécois, puis aussi à travers une nouvelle vision du côté pédagogique, éducatif, les grandes étapes de la création d'une bande dessinée à travers les documents d'artistes québécois, le musée a vraiment trouvé de la chose très, très intéressante. Puis oui, il n'y a pas de... Il n'y en a pas eu tant que ça au Québec. Là. Et puis surtout côté durée, il est pratiquement pour 2 ans, donc... Oui, car les dernières ont été vraiment de courte durée. Donc, on a vraiment été chercher, en tout, vous voyez, il y a 23 artistes principaux qui sont présentés, qu'on découvre leurs œuvres, leurs esquisses, les dessins, les ancrages, les mises en couleur, tous les documents qui sont propices, même des scénarios, des synopsis qu'on a retrouvés à travers les archives et les ateliers de tous et chacun. Mais il y a aussi... plus de 40 quelques artistes qui sont mentionnés et qui sont à travers les textes. Et il y a une deuxième exposition sur la bande dessinée, surtout sur tout le côté underground, les fanzines, qui est dans la même salle, qui s'est greffée avec le temps. C'est une exposition qui a été montée en concert avec l'historien Michel Villot. Et tout ça a nécessité à peu près 3 ans de préparation? Oui, trois longues années de travail... acharné. C'est pas évident. Ça a demandé vraiment beaucoup de temps. Il y a énormément d'équipes qui ont travaillé dessus. Mais on a eu une collaboration exemplaire et vraiment sous tous les plans là, avec le musée. Donc, on était en production vidéo. On a agrandi des personnages en grandeur de nature, produit des scènes. Il y a énormément de choses qui sont greffées. Et sans l'aide du musée, là, on n'aurait jamais pu venir à bout du projet. Et évidemment, il y a plusieurs éléments à développer pour faire le tour un peu de l'exposition. Commençons peut-être avec, justement, tu mentionnais, François Bourdage, les différents auteurs qui ont été choisis. Enfin, on parle de Jimmy Beaulieu, J.F. Iris, Delave Dubuc, Jean-Paul Hyde, Philippe Girard, Réal Godbout, Thierry Labroche, Jacques Lamontagne, François Lapierre, Stéphanie Leduc, Mario Malouin, Michael, Michel Rabagliati, Julie Rochelot, Denis Rodier, Yves Rodier, Daniel Shelton, Voro, Zviane. Pourquoi ceux-là plutôt que d'autres? J'en ai contacté beaucoup et on voulait avoir une recherche aussi très très élargie. Là, on se retrouve donc avec la BD pour les très très jeunes. Par exemple, Michael a fait de la bande dessinée pour peut-être les 3 à 5 ans, avec même des planches qui n'ont aucun phylactère. Donc, pour plus jeunes, on retrouve de la BD plus adulte, de la BD pour les adolescents, par exemple, avec de la Fée du Buc. On a à peu près tous les plans. Et il y a aussi des artistes que j'aurais aimé beaucoup avoir, mais qui n'ont pas ou très peu d'archives. Donc, on a dû travailler avec certaines contraintes. Mais ce sont tous présentement aussi des artistes qui publient présentement. Ce ne sont pas des artistes qui sont décédés, par exemple, comme Albert Chartier ou des gens qui ont produit dans les années 80 qui sont du tout sur la scène du 9e art. Donc, on a travaillé avec des gens avec un côté très contemporain. Qu'est-ce qui se fait présentement sur le marché québécois et à l'international? Oui, dans le fond, dans l'esprit, parce qu'on parlait de côté éducatif, bon, évidemment, on reviendra sur la fabrication de la BD, mais l'idée aussi d'évoquer ou d'éduquer le public sur ce qui se fait présentement, sur c'est quoi un éventail, à tout le moins, de leur milieu BD québécois actuel. Oui, tout à fait. On a aussi... on présente ce qui est sur le marché, mais on le présente aussi de la façon que c'est développé. On connaît très peu la mise en marché à l'international de nos artistes. On s'imagine très peu, par exemple, que Jacques Lamontagne est publié en gallois avec sa série Les Druides ou des choses en allemand ou en néerlandais. On a des très, très beaux succès. Puis le plus bel exemple avec ça, pas nécessairement dans une langue étrangère, mais en Europe, c'est de la Fée du Buc qui sont dans avec des ventes magistrales d'albums. Et j'imagine, en fait, en parallèle, l'idée de développer sur la fabrication d'une BD, sur comment ça marche et comment ça se fait une BD, ça permet à travers tout ça d'avoir aussi un fil narratif, j'imagine? Un fil narratif principal, à tout le moins. Oui, c'est comme si on traverse des étapes, tout simplement, à travers l'exposition. Ça nous permet de suivre les développements et c'est très peu connu. Certains artistes ici au Québec mettent quand même jusqu'à 2 ans pour développer une bande dessinée. C'est un peu la même chose qu'avec les artistes partout ailleurs, mais c'est un processus qui est très, très long et qui était méconnu. Et ça nous a permis d'aller chercher aussi des superbes pièces là, qui sont présentées au Musée québécois de culture populaire de Trois-Rivières. Et justement, on a eu, en fait, de par le matériel que vous avez exposé, qui accompagne justement, que ce soit les différents panneaux sur les auteurs ou les autres segments, j'ai l'impression que les auteurs ont bien collaboré aussi, étaient très ouverts à fournir du matériel, à vous laisser fouiller un peu dans leurs archives, à la limite aussi. Oui, c'est une des grandes chances que j'ai eues de m'introduire dans les antres de création d'à peu près tous et chacun. D'aller fouiller, de passer, par exemple, je crois que j'ai passé 3 ou 4 heures, par exemple, chez Jean-Paul Hyde, fouiller à travers ses planches, dire, OK, bon, on choisit celle-ci, celle-là s'incorpore bien à travers le reste du matériel, ou se déplacer chez Réal Godbout ou Paul Rabagliati, Michel Rabagliati, plutôt. Ça a été une recherche. Et, par exemple, on a monté un mur toutes des lettres de refus. Que les gens ont reçu de différentes maisons d'édition. Par exemple, Casterman qui disent à l'artiste Vaux, Vincent Rioux, il dit ben on n'est pas intéressé par votre projet, mais le projet s'est développé quand même. Et on a trouvé des lettres superbes comme ça. On en a un mur complet. C'est quelque chose de très, très inusité qu'on présente de ce côté-là. Et pour montrer, en fait, le travail de défrichage, d'une certaine manière, que les auteurs sont obligés de faire s'ils veulent éventuellement être distribués du côté européen, s'ils veulent profiter des assises qu'ils développent ici pour aller pousser ailleurs aussi, etc. Donc, ça nous fait prendre conscience, peut-être, un peu de ce pan-là, de leur travail, le pan de démarchage, le pan où ils sont presque leurs propres agents auprès de ces éditeurs-là, notamment. Ah oui, c'est quelque chose, il y a beaucoup de compétition, il y a beaucoup de gens sur le marché. Il n'y a jamais eu autant de bandes dessinées vendues et d'auteurs présents dans les librairies et les endroits spécialisés. Donc, il faut effectivement se démarquer. Et c'est justement ça ce que propose la bande dessinée québécoise. On a justement une touche, une identité qui nous est propre. Justement, on a monté un vidéo à l'aide de Jimmy Beaulieu qui nous présente justement le côté, toute l'identité propre de la bande dessinée québécoise. Oui, une espèce de bande dessinée qui est un peu au confluent de l'Europe et de l'Amérique, avec des influences aussi liées aux différentes époques, que ce soit du Japon ou d'ailleurs. Donc, y a quelque chose de particulier qui s'est passé au Québec. Et à la limite, on pourrait presque dire aussi que les 10 dernières années ou un peu plus, le 10, 12, 15, ont été quand même très marquantes aussi dans le développement de notre bande dessinée. Oui, oui. Et comme le soulignait d'ailleurs l'historien Michel Viau, il y a plus de 200 quelques titres. 215, je crois, ou 221, qui ont été publiés juste l'an dernier, en 2015. C'est en constante augmentation. Et il y a aussi tout un côté, un volet bande dessinée québécoise, mais anglophone, qu'on ne soupçonne pas. Il est de plus en plus exploité ou développé. Oui, avec, entre autres, Dwan and Quarterly aussi, qui fait un gros travail du côté de Montréal là-dessus. Là. Oui, oui, c'est d'ailleurs le termes de vente, je crois, toutes BD confondues, ce qui est publié au Québec, ben, les éditeurs, c'est ceux qui ont les volumes de vente les plus élevés, si je ne me trompe pas. Et au niveau éducatif aussi, il y a une vidéo notamment qui est particulièrement intéressante, qui est intégrée dans l'exposition, où on voit la création d'une planche pratiquement du début à la fin. Là. Oui, c'est par l'artiste Michael. Avec les nouvelles technologies, on a dû s'adapter à la réalité du moment. L'artiste Michael travaille exclusivement sur tablette graphique, un peu comme de la Fédubé, d'ailleurs. Donc, on a filmé en haute définition de la création d'un bout à l'autre, sur environ 24 heures de temps, la création d'une de ses planches, qui est dans Promise tome 3. Et on le projette sur écran géant, et c'est ramené sur environ 5 minutes 30. Donc, on a installé des chaises et tout pour s'accommoder, pour de regarder l'écran, et on voit le développement de la planche d'un bout à l'autre. Là, on s'aperçoit qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Ça passe des crayonnés, le lettrage, le découpage des cases, les bleus, l'ancrage et les couleurs. Et ça, c'est ce genre d'éléments, François Bourdin, j'ai l'impression qu'il va plaire autant à la personne qui connaît peu la BD, qui va apprécier le travail, qui va découvrir peut-être un peu le travail derrière ça, autant que le connaisseur, parce que des gens comme toi et moi, on a l'occasion de voir le travail final, on peut voir le travail en cours, l'idée avant, parfois, on la voit passer, mais le travail intégral d'une planche, c'est rare qu'on se donne l'opportunité de s'asseoir pendant une journée pour regarder justement l'auteur travailler. Oh, oui, oui. Et puis, et avant tout, on espère aussi que ça va donner le goût à aux jeunes, aux gamins, aux adolescents ou aux personnes un peu plus âgées de faire de la bande dessinée. C'est un peu le but de l'exposition. Après avoir tout présenté, on espère que les gens vont peut-être aller un peu plus loin. C'est quelque chose qui nous est très cher à qu'on voulait obtenir. Et nécessairement, dans cette perspective-là, on parlait tout à l'heure de variété de style, de variété de genre, de variété de traits. Mais nécessairement, si on veut aller happer l'attention des gens, faut leur montrer quelque chose d'assez large. On parlait de technique, par exemple, mais il y en a dans les auteurs que vous avez choisis qui sont sur la tablette graphique. Il y en a d'autres qui ne jurent que par le crayon et le papier. Donc, en termes d'univers, on a des trucs qui sont aux antipodes les uns des autres. Donc, est-ce que le fait de travailler sur une expo là t'a fait prendre conscience un peu de l'ampleur de cette variété là ou des raisons aussi peut-être parfois par rapport à certains choix que les auteurs font au niveau des techniques, au niveau des styles, etc. Oui, et c'est sûr, les choix sont qui sont très très personnels pour les artistes. Il y en a qui adorent vraiment le grain du papier, l'odeur de l'encre. D'autres ont vécu, ils sont plus jeunes, mais ont vécu vraiment avec l'informatique. Donc, eux, c'est un naturel de travailler sur par exemple, la colorisation, comme François Lapierre, il fait toute la colorisation par informatique. Tandis qu'on a des gens comme François-Éville Deschênes, qui, lui, est encore à l'ancienne, il fait de la colorisation directe. Ça donne un travail très, très différent, même au visuel. On voit presque les coups de pinceaux, quoi, qu'on peut les reproduire aussi à travers les tablettes graphiques. Mais c'est une variété, et comme je dis, c'est souvent un choix personnel de l'artiste. Et en terminant, de ton côté, comme commissaire de cette expo-là, pour avoir travaillé là-dessus, sur ce sujet pendant 3 ans, est-ce que ton regard sur la bande dessinée d'ici a évolué au fil de ce travail-là, au fil du travail derrière l'expo? Ah oui, maintenant, lorsque Maintenant, j'achetais beaucoup de bandes dessinées étrangères, d'Européens ou américaines, mais maintenant, je me concentre presque exclusivement là-dessus. J'ai vraiment appris à apprécier les auteurs pendant ici. On a vraiment des talents incroyables, des choses que j'avais pas soupçonnées. Une richesse vraiment dans le 9e art que après m'avoir que je connaissais pas, ben oui, je connaissais, mais pas profondément. Et on a toute une histoire qui entoure, on a des super belles anecdotes. Il y a tout un groupuscule qui est vraiment intéressant dans la bande dessinée québécoise. Et c'est tout ça qu'on essaie de transmettre, évidemment, à travers cette exposition-là. Oui, tout à fait. En tout cas, on espère le faire découvrir aux visiteurs. Puis, comme tu l'avais souligné dans le prédieu, l'exposition est là jusqu'en janvier 2018. Donc, il n'y a aucune excuse pour pas mettre les pieds au musée. Oui, je pense, en fait, en termes statistiques, on a pas mal de chances de risquer de passer aux environs de Trois-Rivières d'ici un an, là. Oui, tout à fait. François Bourdage, commissaire, merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Au plaisir, à la prochaine. Okay, au revoir. Au revoir. Alors, je rappelle François Bourdage, donc, qui est commissaire de cette exposition, donc BDQ, l'art de la bande dessinée québécoise. On le disait il y a quelques instants, je vous le répète. Donc, c'est présenté jusqu'au 28 janvier prochain du côté du Musée québécois de culture populaire. C'est à Trois-Rivières. Et toujours ici à La Vie en BD, là, je me donne un défi, je me donne à peu près 3 minutes pour vous parler d'un livre que j'ai lu pas très longtemps et d'un sujet surtout assez dense et très intéressant. En fait, c'est littéralement la première fois que j'entendais parler de cette réalité-là. Il s'agit en fait de ce qu'on pourrait presque appeler la traite humaine, mais autour de la planète du soccer. Donc, on apprend qu'il y a des agents, il y a des agents véreux, en fait, des fraudeurs qui vont dans des pays éloignés, des pays d'Afrique notamment, et qui vont voir les jeunes talents qui se débrouillent tout particulièrement bien en soccer, les approche entre guillemets au nom de la FIFA, donc qui est la grande organisation de soccer, et leur demande de l'argent, donc de payer un certain montant en échange de quoi lui fournir des billets d'avion et des contacts, des soi-disant contacts du côté de l'Europe pour leur permettre de travailler, de percer dans l'univers du soccer. Ces gens-là ne sont pas nécessairement sans contact, mais sont surtout sans scrupules, donc vont peut-être essayer de faire lever un peu le joueur pour effectivement éventuellement réussir à avoir encore un peu plus de sous, un peu plus d'argent autour de cet investissement-là en temps. Mais si ça ne marche pas, ben sans vergogne, ils vont abandonner l'individu à son triste sort après l'avoir déraciné. Et donc, de recrues potentielles dans l'univers du soccer, eh ben ces gens-là se retrouvent essentiellement réfugiés illégaux en France, dans des situations assez complexes, où dans le cas par exemple qui est explicité dans le livre, eh ben on a deux de ces joueurs-là qui essentiellement ont sollicité intégralement leur village pour leur fournir des fonds. Donc tout le monde s'est cotisé en disant ces deux jeunes-là vont peut-être réussir, on va les encourager, ils vont redonner au village éventuellement. Alors tout le monde se met dans le village ensemble pour leur prêter des sous, pour leur permettre de vivre leur rêve. Et là, eux se retrouvent fraudés du côté européen, illégaux, sans argent, sans le sou, sans papier. Et dans une situation où s'ils retournent au village, eh ben c'est l'ensemble de leur communauté qui vont décevoir et qui vont avoir, sans le vouloir évidemment, trahi. Alors donc eux souvent vont faire le choix d'essayer de rester en Europe, soit pour faire des travaux de misère pour réussir à rembourser leur communauté pour pouvoir retourner la tête haute dans leur pays, dans leur région, ou peut-être essayer de trouver d'autres manières de percer. On nous présente des joueurs qui se regroupent pour s'entraîner évidemment de manière disons illégal, mais avec permission sur des terrains de soccer avant la fermeture ou pendant que ceux-ci sont fermés, dans la mesure où la police ne vient pas les tasser. qu'on nous présente ces situations-là, on nous présente différents parcours, et ça donne un ouvrage extrêmement intéressant, un point de vue thématique. Ça s'appelle Le contre-pied de fouet. Je réalise que je vous ai même pas donné le titre. C'est de Damien Vidal et, Vidal et Laurent Galadon, ceux qui avaient offert un livre, je pense, il y a 2 ans, LIP, donc sur la première usine manufacturière coopérative en France et les guerres syndicales qu'il y avait eu autour de ce lieu-là. Alors, dans ce cas-ci, Le contre-pied de fouet, donc on découvre à travers donc une narration fictive à travers le parcours d'Urbain d'un de ses amis, des deux passionnés de soccer au Cameroun. Eh bien, on découvre donc à travers leur parcours, le parcours d'un peu tous ceux qui sont dans la même situation, eux, qui vivent les mêmes défis qu'eux. Donc, ça donne une BD qui, bon, certes, par moment est un peu carré, c'est pas toujours fluide, mettons, ça manque parfois un peu de fluidité, mais au niveau thématique, sérieusement, si vous ne connaissiez pas ce phénomène-là, vous allez un peu, ça va encourager votre découragement global. C'est vraiment un récit nécessaire, peut-être, je pense, en fait, dans le volet de la bande dessinée documentaire. Et c'est quand même bien fait, le parti pris de raconter à travers la narration, à travers le récit de personnages fictifs, des histoires réelles, c'est un choix qui se défend. Est-ce que ça aurait pu être d'autres options mises de l'avant? Peut-être, mais reste que ça fonctionne, donc nonobstant, c'est quelques manques de fluidité, ça et là, mais reste que, cette thématique de l'esclavage moderne avec des hommes qui plongent essentiellement dans ce miroir, avec la dure chute qui est en cours, eh bien, ça reste très, très intéressant. Alors, si ça vous intéresse, vous, d'y jeter un coup d'œil, c'est chez Dargo, ça s'appelle Le contre-pied de fouet. De la vie en BD, Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. Je vous rappelle d'ailleurs que toutes les émissions sont disponibles en balado diffusion sur lavieenbd.wordpress.com. Vous pouvez suivre également mon blog personnel au voir.ca/Raymond-Poirier. Et maintenant, au bout du fil et de loin d'Europe, on est rejoint par Sandra Wilder, la directrice générale de Planche. Bonjour. Bonjour. Alors, on avait envie de profiter du lancement très, très proxime volume 8 de la revue Planche pour se faire une petite mise à jour, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux de ton côté, et notamment, en fait, je mentionnais, on te prend directement d'Europe. Il y a beaucoup de démarchages que tu fais depuis pratiquement la dernière année pour positionner le magazine du côté européen. Oui, en fait, j'étais partie en voyage de prospection cet hiver pour voir un petit peu les différentes avenues qu'il pouvait y avoir de ce côté-là. Et puis, donc, je m'étais faite plusieurs contacts, autant dans la distribution, l'édition, d'autres éditeurs qui font des choses similaires, puis donc tout un tas de gens dans le milieu. Puis, en fait, j'ai commencé à voir les festivals qui seraient intéressants de faire. Et donc là, en fait, j'en ai fait un premier à Lyon en juin. Et puis là, en fait, j'attaque depuis septembre, j'ai commencé une tournée de festivals en Europe. Donc deux à Bruxelles au début, puis là, en ce moment, je suis à Chambéry. Donc, dans les montagnes. et la réponse est bonne. Parce que ça reste un milieu quand même assez difficile. Il y a énormément de publications, il y a énormément de joueurs dans le milieu européen. Donc, est-ce qu'on réussit? Est-ce qu'on sent qu'il y a un intérêt, à tout le moins, pour la formule que tu proposes avec Planche? Ben oui. En fait, je pense que ce produit-là, en tant que tel, si on parle en tant que produit, il n'existe pas exactement. Il y a des choses qui... Il y a beaucoup de... Plus de... concurrence possible, en fait, ici, mais il n'y a pas vraiment de formule vraiment similaire. Il y a la revue dessinée, mais c'est du reportage.

c'est sûr que là, je vise l'élargissement du marché pour faire beaucoup plus de ventes, puis pour baisser les coûts de production, faire en sorte d'avoir d'autres subventions pour comme mieux payer toute l'équipe, en fait, parce que ils sont pas tous payés, puis on essaie de se rémunérer un maximum, mais c'est compliqué quand même économiquement, donc c'est toujours d'essayer d'avoir une balance financière, puis en même temps avoir de garder notre fonds éditorial et comme originelle authentique, ça, à ce qu'on voulait faire. Alors, en fait, évidemment, à travers tout ça, on jette un coup d'œil aussi au numéro 8 de Plan. Chandra Vildar, merci beaucoup. Merci à toi. À la prochaine. Oui, à la prochaine. Alors voilà, donc c'était Sandra Vildar, donc directrice générale de Planche, qu'on rejoignait en direct d'Europe en plein démarchage. Et je vous rappelle, le Planche volume 8 est disponible depuis tout récemment. Et dernière ligne droite de la vie en BD avant l'émission spéciale d'ailleurs Bière et Culture qui revient à partir de 18h30 en direct de la Ninkasi animée par Jessica Leb. Et notre côté, on se projette plutôt vers mercredi prochain, 5 octobre 19h à la Bibliothèque Gabriel-Leroy. Nouvelle rencontre des rendez-vous de la BD intitulée De la prose à la case, roman transposé en BD. Michel Giguère, bonjour. Salut Raymond, et je veux tout de suite rassurer ton auditoire. J'espère, normalement je ne devrais pas avoir cette voix de canard caverneux mercredi prochain. Et Michel, en fait, comme chaque année depuis le début, parce qu'on est à l'aube de Québec, en toutes lettres également, Festival littéraire de Québec, et il y a quelques éléments BD, entre autres le rendez-vous de la BD qui est dans sa programmation d'octobre. Et l'édition d'octobre de cette année de Québec en toutes lettres est dédiée à la sphère du polar, du roman noir, si on peut dire. Est-ce que ça va être un peu en lien avec la thématique de ton rendez-vous d'octobre? Ben, pour ce qui est du polar, il faut dire que les rendez-vous, la BD, on pourrait ainsi dire, devancer le Festival Québec en toutes lettres. Parce que, au cours des dernières années, j'ai tenu deux rencontres sur le polar en BD, et je voyais pas vraiment l'intérêt de revenir avec des titres dont j'ai déjà parlé. Sauf que, j'ai néanmoins intégré à ma présentation une demi-douzaine de transpositions de romans policiers récentes, ou alors dont j'avais pas encore parlé, comme Millennium ou la trilogie du mal de Maxime Chatham. Il faut dire aussi que le thème de l'édition noire, ils appellent ça l'édition noire à Québec en toutes lettres, ça déborde du seul polar. Leur programme le dit bien, ils parlent d'activités qui, à l'image du polar, construisent un miroir fragmenté de l'humanité. Plus loin, on dit des activités en lien avec la noirceur de la condition humaine. Alors tu vois, même quand il sera pas question de polar, je te dirais que de Kafka à Dostoïevski, en passant par Léo de Hurlevent ou le rapport de Brodeck, je crois qu'il y aura en masse de noirceur. Et à travers tout ça aussi, on parle d'adaptation. Et des adaptations, Michel, il y en a des matchs, j'ai l'impression qu'on en parle sporadiquement. Des BD adaptés, des romans adaptés en BD, là, c'est un nouveau créneau qui foisonne. Oui, je crois qu'une des explications, c'est que les éditeurs s'efforcent de rejoindre un lectorat élargi en piochant du côté des littéraires, des lecteurs de romans, des amateurs de littérature. Et t'as raison, il en sort tellement qu'au fil des années, j'ai présenté un rendez-vous sur les transfuges, c'est-à-dire les romanciers qui deviennent scénaristes de BD. Un autre rendez-vous, à l'hiver 2015, sur les littératures de l'imaginaire, le merveilleux et le fantastique. Et tant et si bien, il y en avait tellement que j'ai même pas eu le temps de compléter, si bien qu'il y aura sans doute l'automne prochain une suite et fin avec le fantastique et la science-fiction. On ajoute à ça une soirée sur le polar en BD qui comportait un chapitre sur les romans adaptés en BD à l'intérieur du polar. Même chose pour Londres au 19e siècle, il y avait plusieurs romans victoriens, entre guillemets, adaptés en BD. Par ailleurs, j'ai reçu des BDistes qui se sont prêtés à l'exercice d'adapter un roman de Tardy à Chloé Cruchaudet. Et puis, finalement, ben j'ai carrément consacré une soirée au thème de la prose à la case, déjà, pas plus tard qu'en mars dernier. Mais il se trouve que la multitude de transpositions justifiait, je trouve, qu'on y consacre au moins une deuxième soirée. Et bien franchement, si les transpositions m'ont jamais paru toujours transcendantes dans ce créneau-là, je dois dire que ce que j'ai lu récemment, tout au moins depuis un mois, ça m'a vraiment étonné. C'était vraiment au-dessus de la moyenne. Et Michel, quand on parle d'adaptation, là, je te lance, parce que t'en as lu beaucoup, est-ce qu'il y a une adéquation entre la qualité littéraire puis l'intérêt de l'adaptation BD? Je veux dire, est-ce qu'un bon roman va donner une bonne BD ou au contraire, c'est plus dans l'adaptation que la magie se fait? Ouais. Ben, tu sais, il y a plusieurs dimensions, et puis de la même manière, il n'y a pas forcément adéquation non plus entre l'attrait esthétique du dessin et l'intérêt ou la qualité de l'adaptation, du travail d'adaptation. Il s'évalue pas juste en feuilletant rapidement les albums, là. Alors, moi, j'ai eu droit à de belles surprises dans mes lectures, causées par des albums qui n'avaient pas suscité de bien grandes attentes à les feuilleter. Et par ailleurs, il y a aussi des trucs, disons, très populaire ou conventionnel dans la facture graphique que j'ai trouvé brillamment transposé et qui m'ont enchanté, même si c'était pas nécessairement original. Par exemple, Là où dansent les morts d'après Tony Hillerman ou Un loup est un loup d'après Michel Folco. Et puis, par ailleurs, je présenterai des succès de librairie, on l'a compris, des succès critiques et ou publics des dernières années, comme Un loup est un loup, Au revoir là-haut, Le rapport de Brodeck, Les cerfs-volants de Kaboul, Suite française d'Irène Nimirovski, Plateforme de Houellebecq, L'attentat, tu vois, des romans dont on a entendu parler dans les dernières années, puisqu'ils ont été primés. Mais il va y avoir, évidemment, aussi de grands classiques de la littérature, dont Quichotte, Le Grand Monde, Madame Bovary, Les Trois Mousquetaires, puis des grands maîtres, Walter Scott, Stevenson, Dostoïevski, Gogol, Proust, Maupassant, tu vois, les amateurs de littérature vont être comblés, Vian, Stefan Zweig. Sauf que la classification que je viens de faire, les classiques versus les romans récents, c'est pas la plus significative, à mon avis, par rapport au degré de difficulté de transposer l'œuvre originale vers la BD. Que le roman date du 19e siècle ou de l'an passé, c'est pas ce qui a le plus d'incidence, parce que comme le cinéma, la BD relève de la narration par l'image. Et puis, je crois qu'elle se prête plus naturellement à représenter l'action qu'à explorer les méandres de l'âme humaine, disons. Alors, il y a certains BDistes hors du commun qui y arrivent admirablement, comme on va le voir mercredi soir, entre autres avec, mettons, Larsenet pour Le rapport de Brodeck, ou Dauvilliers avec Chaperon pour L'attentat de Yasmina Kadra. Puis d'ailleurs, on va passer une soirée entière en novembre à parler de BDistes qui arrivent à exprimer l'intériorité des personnages. Donc c'est possible, mais de façon générale, hormis quelques tours de force, il reste que c'est moins casse-gueule d'adapter Jules Verne ou Alexandre Dumas que Proust ou Dostoïevski ou Stefan Zweig. Cependant, j'ai pas dit que c'était plus simple pour le BDiste qui transpose des récits d'aventure, parce que entre nous, le tour du monde en 80 jours, Ivan Hoé ou les sagas de Sully d'Isère, ça demande un travail colossal sur les plans de la recherche documentaire et de la mise en scène. Et Michel, il nous reste à peu près 3-4 minutes pour poursuivre le survol. Et je me demandais, en fait, une question qui me turlupine. Est-ce que, parce que c'est pas d'hier qu'il y a des adaptations BD, est-ce que tu as l'impression que les auteurs aujourd'hui, les adaptateurs ou BDistes, prennent plus de liberté peut-être versus le matériel original qu'à d'autres époques ou inversement? Oui. Écoute, à l'époque, mettons, disons, les années 50 à 70, là, on cherchait surtout à faire connaître les chefs-d'œuvre de la littérature populaire aux jeunes qui étaient peu enclins à lire des romans. Conséquemment, les adaptations, ben, ça relevait surtout du résumé, hein. Cette approche-là, cette mission éducative existe toujours, mais à travers des adaptations moins résumées où les BDistes prennent le temps puis l'espace pour installer une mise en scène plus assumée. C'est, par exemple, ce qui est privilégié dans la collection Ex Libris chez Delcourt, qui, au demeurant, compte quelques adaptations vraiment impressionnantes. Sauf que, de plus en plus souvent, il y a carrément des BDistes qui se révèlent être de véritables auteurs, qui s'approprient l'œuvre littéraire pour la restituer vraiment autrement, avec parfois une valeur ajoutée. Larsenet, par exemple, propose une version du roman de Philippe Claudel qui est taiseuse, comme les personnages de l'histoire. Il y a dans cette adaptation-là de multiples séquences de planches muettes. Et pourtant, c'est très fidèle à l'esprit du roman. Donc, on parle ici d'une transposition dans un autre médium qui ose s'affranchir complètement des caractéristiques du médium original, du support narratif de départ. Et Michel Giguère, en terminant, un petit scénario pour ta soirée de mercredi 5 octobre, je le rappelle, à 19h à la Bibliothèque Gabriel-Leroy? Ben écoute, ça va être assez géographique, mon affaire. On va partir de la Grande-Bretagne, donc on pense à Robin des Bois, même Diana Gabaldon, Léo des Hurlevents de Bronté, et puis on va traverser la Manche avec Gemma Bovary pour aller en Normandie, et de là dans le reste de la France, et puis on va vraiment se promener l'Europe de l'Est, Kafka, on va se rendre jusqu'en Russie, on va aller faire un détour par les États-Unis, le Moyen-Orient, le Japon. Écoute, j'ai comme décidé de présenter ça comme un grand voyage. Et avec pas de fantastique et pas de merveilleux non plus là-dedans. Ben non, parce que j'en ai déjà parlé, donc il y aura des grands absents simplement parce que ça, je me suis penché là-dessus dans les présentations passées. Alors ben, ce sera une autre occasion d'en découvrir d'autres pans de ces adaptations de la BD, de la prose vers la BD, de poursuivre peut-être aussi pour ceux qui étaient venus en mars dernier. Alors je le rappelle, c'est le 5 octobre, mercredi prochain, c'est à 19h, c'est à la Bibliothèque Gabriel-Leroy. La rencontre est gratuite, c'est entrée libre et premier arrivé, premier servi également, pas de réservation nécessaire. Alors Michel Giguère, nous on se dit à mercredi et on se dit dans un peu plus d'un mois également. Oui, je vous attends mercredi prochain. Salut bien. Ciao. Alors voilà, donc nous c'est ainsi que se termine cette édition de La Vie en BD. Alors la semaine prochaine, Draco va venir nous parler du tome 3 de La Foire aux Démons. On aura également Pascal Girard pour nous présenter l'édition 10e anniversaire de Nicolas. On commence également nos chroniques BD avec nos collaborateurs libraires en résidence. Alors ben voilà, c'était Raymond Poirier au micro. Ça a été un plaisir d'être avec vous cette semaine. Passez une excellente soirée sur les ondes du 89.1 CKRL.